Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu d'une campagne qui était pleine d'os. Et il me fit passer auprès d'eux tout à l'environ, et voici, ils étaient en fort grand nombre sur le dessus de cette campagne, et étaient fort secs. Puis il me dit, « Fils d'homme, ces os pourraient-ils bien revivre ?» Et je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Alors il me dit, prophétise sur ces os, et leur dit, ô sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à ces os, voici, je m'en vais faire entrer l'Esprit en vous, et vous revivrez. Et je mettrai des nerfs sur vous, et je ferai croître de la chair sur vous, et j'étendrai la peau sur vous, puis je remettrai l'Esprit en vous, et vous revivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé, et sitôt que j'eus prophétisé, il se fit un son, et voici, il se fit un mouvement, et ses os s'approchèrent l'un de l'autre. Puis je regardai, et voici, il vint des nerfs sur eux, et il y crut de la chair, et la peau y fut étendue par-dessus, mais l'esprit n'y était point. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai donc, comme il m'avait commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent, et se tinrent sur leurs pieds, et ce fut une armée extrêmement grande. Alors il me dit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos os sont devenus secs, et notre attente est perdue, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise, et leur dit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, mon peuple, voici, je m'en vais ouvrir vos sépulcres, et je vous tirerai hors de vos sépulcres, et vous ferai rentrer en la terre d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai tiré hors de vos sépulcres. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'aurai parlé, et que je l'aurai fait, dit l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, et toi, fils d'homme, prends un bois, et écris dessus, pour Juda, et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Prends encore un autre bois, et écris dessus, le bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël, ses compagnons, pour Joseph. Puis tu les joindras l'un à l'autre pour ne former qu'un même bois, et ils seront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple demanderont, en disant, ne nous déclareras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais prendre le bois de Joseph, qui est en la main d'Éphraïm, et des tribus d'Israël, ses compagnons, et je les mettrai sur celui-ci, savoir, sur le bois de Juda, et je les ferai être un seul bois, et ils ne seront qu'un seul bois en ma main. Ainsi les bois sur lesquels tu auras écrit, seront en ta main, eux le voyant. Et dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai rentrer en leur terre. Et je ferai qu'ils seront une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, ils n'auront tous qu'un roi pour leur roi, ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs infamies, ni par tous leurs crimes, et je les retirerai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera leur roi, et ils auront tout un seul pasteur, et ils marcheront dans mes ordonnances, ils garderont mes statuts, et les feront. Et ils habiteront au pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont habité, ils y habiteront, dis-je, eux, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à toujours, et David, mon serviteur, sera leur prince à toujours. Et je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai, et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux à toujours. Et mon pavillon sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours.